Le magazine de la bande dessinée sur le 895 de Radio Dio, une émission mensuelle qu'on retrouve le troisième mercredi de chaque mois. Horreur sanglier, quatrième édition, le premier de la saison 2024-2025. Donc voilà, on va se retrouver une fois par mois pour vous parler de BD, du 9e art, entre guillemets. Souvent de belles nouveautés qui sont sorties et qu'on a lues pour vous, histoire de vous donner quelques très bonnes idées de lecture. Et on va démarrer tout de suite avec deux parutions chez la maison d'édition Futuropolis. La première s'appelle Putzi, c'est signé Thomas Snegaroff au scénario, Louison au dessin. C'est une BD de 160 pages qui coûte 23 €. Et Putzi, en fait, c'est l'histoire assez incroyable d'Ernest Anschwenel, dit Putzi, donc intime d'Hitler à ses débuts. L'histoire n'a pas vraiment retenu son nom à Putzi, et pourtant ce personnage très haut en couleur a été le témoin très proche de l'ascension du Führer, lui prêtant son oreille, son argent, son érudition. Par exemple, la passion que Hitler avait pour Wagner, eh bien, c'est Putzi qui lui a enseigné. Et ça demeure, rien que ça. Pourtant, telle fut l'ambition de Putzi, c'était de marquer l'histoire et d'être au cœur du monde et d'être en fait sur la photo. Il finira d'ailleurs comme, ce qui est assez drôle, comme informateur au niveau du président Roosevelt aux États-Unis et mourra dans son lit en 1975, en n'étant jamais inquiété, bien sûr. Thomas Snegaroff, en fait, c'est un historien, le scénariste de cette BD, et c'est quelqu'un qu'on connaît si on est un petit peu friand de médias. C'est quelqu'un qui bosse sur France 5 et sur Radio France. Et il avait déjà choisi Putzi comme personnage de son premier roman en 2020. Et puis Louison, la jeune dessinatrice, a été très intéressée par ce bouquin. Les échanges ont fusé et ça a permis à cette BD de voir le jour. Et ça donne d'ailleurs, ce qui est assez marrant dans la lecture de Putzi, c'est la dimension burlesque du personnage. En fait, Hitler l'appelait le petit homme. Moi, j'aime beaucoup la charte graphique de cette BD parce qu'elle est à la fois surprenante et novatrice. C'est des dessins souvent pleines pages, avec une couleur unique, souvent pour une même planche. Et ça apporte une espèce de clarté assez stupéfiante au niveau du dessin et au récit. Et surtout une véritable, moi je dirais, fraîcheur quant à l'histoire, justement, une histoire assez sombre, forcément, où se mélange le pouvoir et le fanatisme. Alors la question qu'on peut se poser à la fin de cette lecture, c'est: est-ce que Putzi était un personnage puissant ou un simple clown? La lecture de cette surprenante BD va vous apporter certainement la réponse. Donc Putzi, de Thomas Snegaroff et de Louison, ça sort chez Futuropolis. Et ça coûte 23 €, 160 pages quand même. La deuxième belle nouveauté chez Futuro, ça s'appelle La Belle de Mai. C'est signé Mathilde Ramadier au scénar et Élodie Durand au dessin. Donc ça sort chez Futuro, 144 pages, 22 €. Et là aussi, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'une des premières grèves de femmes en France, en 1887, à Marseille. Les femmes qui s'étaient mises en grève à cette époque-là avaient un slogan: ne nous libérez pas, on s'en charge. Donc c'était des ouvrières cigarières, donc elles travaillaient pour la manufacture de tabac de la rue Bleue, aujourd'hui la friche Belle de Mai, que beaucoup de gens sur Duo, je présume, connaissent à Marseille. Des femmes d'origine italienne qui décident de s'opposer à leur employeur, et pas n'importe lequel, l'État français. C'est un récit qui est assez réjouissant à lire, très facile. L'histoire donc de cette lutte spontanée qui est superbement mise en scène et en image par Élodie Durand, qu'on avait déjà remarqué avec un fabuleux bouquin qui s'appelle La Parenthèse, qui était sorti en 2011 et qui avait eu le Fauve, donc c'est le nom de la récompense qu'on donne au festival Angoulême, Fauve Révélation. Alors c'est une BD en noir et blanc teintée de bleu, donc on peut appeler ça un peu de la bichromie. C'est un dessin qui est assez puissant, très réaliste, et ça donne une très très belle dimension à cet événement qui était finalement très généreux et fondateur. 140 ans donc après ce combat, et pourtant il nous rappelle d'autres combats beaucoup plus actuels de femmes qu'elles mènent justement en ce moment pour défendre leurs droits et leur dignité. Les personnages, Cespo, Teresa, Rosa, principaux personnages de cette histoire, sont vraiment, vraiment, vraiment des personnages assez charismatiques, assez iconiques. Et ça donne donc un bouquin assez formidable qui s'appelle La Belle de Mai, signé, je le rappelle, Mathilde Ramadier et Elodie Durand, chez Futuropolis. Dans Horreur Sanglier, le magazine de la bande dessinée, on fait une petite pause musicale et on se retrouve après ça. I got 14 emails today, but none of them are really for me. It's only special offers and invitations to the blues. The telephone rang 3 times today. I answer it, 'cause it could be my mom telling me that dad is dead, but instead it's always someone who says my name wrong. I feel the war coming on, I feel the war coming on, I feel the war coming on, don't you? Remember Snow White and the poison apple? Who's the fairest of them all? Staring into the magic mirror as the empire falls. All good, no regrets except for those horrible pictures on that pack of cigarettes. I got 40 likes today, I love to see them hearts. I feel the war coming on, I feel the war coming on, I feel the war coming on, don't you? Don't you? Vous êtes bien sur le 895 de Radio Duo dans le magazine mensuel de la bande dessinée Horreur Sanglier. Ce qu'on vient de se mettre dans les cages à miel, c'est un tout nouvel album d'un jeune Américain qui s'appelle Jason Klesser. L'album s'appelle Pélican et le morceau, c'était War. Alors après les belles nouveautés chez Futuropolis, on va continuer avec, là, dans un premier temps, un album qui s'appelle Marée Haute, signé Isaac Sanchez. Ça sort aux éditions Dupuis, 232 pages, 23,50 €. Alors là, ça va toucher, j'imagine, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont trentenaires ou quadragénaires ou même quinquagénaires et au-delà. L'Espagne des vacances, ah, l'Espagne des vacances, la Costa Brava, ses plages, ses paella. Qui n'a pas souvenir lié à ces mots qui sont un peu les clés de l'enfance ou de l'adolescence, à l'époque où nos parents nous emmenaient sur les plages, histoire de profiter un peu de la mer, du soleil et du sable. Et là, le catalan Isaac Sanchez nous apporte ses propres souvenirs dans les années 90 du côté de Badalone. Badalone, c'est très proche de Barcelone. avec beaucoup de simplicité et d'humour. Il se raconte en fait au milieu du restaurant de ses parents, restaurant de bord de mer qu'on appelle Bagnos, et habité par des personnages hauts en couleur. Alors il y a des anecdotes, des situations, des histoires sur fond d'enfance baigné par ce fameux soleil marin. La charte graphique, elle est au diapason du récit, c'est-à-dire c'est assez pétillant, c'est coloré, c'est très accessible. C'est une sorte de machine à remonter le temps qui se met en marche. Alors surtout ne la ratez pas, donc la marche, pour retrouver donc marée haute. C'est un récit jubilatoire, effectivement, qui scrute du côté des souvenirs et de l'enfance et du passage justement à l'âge adulte, puisque Isaac Sanchez se raconte, il raconte comment il est devenu dessinateur quelque part, puisqu'il passe son temps, dès qu'il a du temps justement, la nuit en particulier, à dessiner, à lire les fameux comics qu'on lisait tous quand on était enfant, en particulier en France avec le phénomène Strange. Donc ça donne cette BD, 232 pages, 23,50 €, qui s'appelle Marée haute, chez Casterman. Un album qui s'appelle Appel en absence, qui est signé Nora Dan chez Casterman, donc 288 pages, 25 €. Alors là aussi, on est dans on n'est pas du tout dans la fiction, comme quasiment les premières BD dont je vous ai parlé dans Rieur Sanglier. Là, ça se passe à Oslo en 2011. C'est un récit très précis sur une histoire très précise, un événement assez incroyable. C'est les attentats qui ont frappé la capitale norvégienne en juillet 2011. Donc on retrouve deux personnages, deux jeunes filles, Rebecca et Fariba. Ces deux jeunes filles rentrent au lycée, puisque c'est juste les attentats sont passés juste pendant les vacances scolaires. Et Fariba rejoint la Ligue des jeunes travailleurs, dont le camp d'été a été d'ailleurs la cible des terroristes. Et Rebecca, elle se révèle profondément marquée par cette tragédie, beaucoup plus que Fariba. Elle est submergée par le traitement médiatique assez sensationnaliste et qu'on donne à cette information, à cet événement, à ce fait. Et elle est incapable de comprendre d'ailleurs les motivations du tueur. Peu à peu, pendant la lecture de ce bouquin, on va s'apercevoir qu'elle va perdre pied. Et la question, bien sûr, qu'on peut se poser, c'est comment surmonter l'horreur et le traumatisme, même quand on n'est pas une victime, quand on est plutôt une victime par procuration. Moi, je trouve que c'est un livre assez essentiel et surtout très pédagogique à offrir à tout ado, et pas que, d'ailleurs, bien sûr. Donc l'autrice, je le rappelle, qui s'appelle Nora Dan, elle vit à Oslo. Et elle avait donc 16 ans à l'époque des faits. Et c'est ce qui nourrit son récit avec un fort ressenti. Là, deux couleurs, là aussi, ce qu'on appelle donc de la bichromie, apporte une sorte d'équilibre assez parfait à la densité et à la dureté du sujet, bien sûr, avec une charte graphique qui est tout en simplicité, en efficacité. C'est vraiment un beau livre. Et ça confirme toutes les qualités du premier opus, du premier livre qu'avait fait Nora, l'année où je suis devenu ado. Et ça devient ce qu'on appelle en anglais un must-have, c'est-à-dire c'est vraiment un truc qu'il faut avoir dans sa BD-texte. Je rappelle le titre, Appel en absence, de Nora Dan, ça sort chez Casterman, 288 pages, ça coûte 25 €. Et une autre petite respiration musicale, on se retrouve après ça. Up against a tree and get this second layer off of me. I'm tired of living in this second skin. I want to let everything in. I don't want to compare myself. Else. From divining with dead sticks to falling yogi hot moves. But what I found I learned from no will go on the shelf is to watch the thief of time and learn to trick myself. I don't wanna leave my brand new skin. It's made of leaves, it's strong and thin. I waited for it every day. I wake up. Vous êtes bien sur le 895 de Radio Joe dans le magazine mensuel de la bande dessinée Horreur Sanglier qu'on retrouve donc le troisième mercredi de chaque mois à partir de 10h. Ce qu'on vient de se mettre dans les oreilles, c'est un titre du tout nouvel album de Nada Surf qui s'appelle Moon Mirror. Le titre, c'était Second Skin. Et juste petite parenthèse concert, ils seront en concert à la coopérative de Mecq à Clermont-Ferrand le 8 décembre. Alors, bien sûr, la bande dessinée à la rentrée de septembre, c'est toujours un événement assez incroyable. Entre 300 et 500 BD sortent. C'est la véritable rentrée littéraire, comme on appelle ça. Et pour la BD, c'est exactement la même chose qu'en littérature. Et on s'aperçoit que très souvent, les thèmes évoqués maintenant dans les BD sont souvent très réalistes, sont souvent en fait le point d'orgue ou la mise en abîme d'un événement qui n'est plus du tout de la fiction, même si bien sûr la fiction continue à exister. Et je vais en apporter la preuve tout de suite avec quelque chose qui me paraît essentiel, un bouquin qu'il faut absolument acheter. D'abord parce que l'auteur est un des auteurs les plus importants de la bande dessinée depuis une bonne vingtaine d'années. Je veux parler de JP qui sort son nouvel album qui s'appelle Stacy chez Futuropolis, 256 pages, 25€. Et le pitch, il est à la fois simple et complexe. C'est l'histoire de Gianni. Gianni, c'est un scénariste à succès. C'est quelqu'un qui a une carrière qui est quasi au moment du début de la BD qui est à son apogée. Lorsqu'une interview, finalement en apparence assez anodine, assez banale, se transforme en une sorte de bombe sur les réseaux sociaux, collègues, amis prennent rapidement leur distance, son public lui tourne le dos, toute sa vie du coup est absolument remise en question. Donc en inventant l'histoire de Stacy, enlevé, drogué, séquestré dans un sous-sol, Gianni n'avait pas du tout mesuré le déluge d'ennui qui allait s'abattre sur lui. Ce petit pitch, ce n'est qu'un avant-goût en fait de cette œuvre qui pour moi est majeure. JP, c'est un immense auteur qui, donc, comme je le disais, depuis une vingtaine d'années, nous abreuve en ouvrages assez exceptionnels. On peut en citer quelques-uns. La Terre des Fils, formidable, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une adaptation au cinéma. S. Note pour une histoire de guerre. Ma vie mal dessinée, ce sont quelques exemples. J'aurais pu en fait citer tous ses livres, tant sa bibliographie est pour moi indispensable. Il a un dessin JP absolument inimitable et reconnaissable entre tous. Un dessin finalement assez fragile, fait au trait, qui est tout à fait reconnaissable. Quand on ouvre un bouquin de JP, on reconnaît tout de suite la patte. Donc pour en revenir à Stassi, c'est une œuvre qui finalement, qui est une fiction, mais qui est éminemment personnelle, puisqu'en 2021, JP, qui se prénomme donc Gianni, hein, c'est son véritable prénom, comme le prénom du personnage de Stassi, poste sur Instagram un gag qui tourne en fait en dérision un slogan féministe, selon lequel il faut toujours croire en la parole des femmes. Surinterpréter ce strip provoque une déflagration dans les dimensions de sa vie. Et c'est ce qui, je le cite, il dit « Je n'aurais jamais dû poster ce gag, il ne représentait rien pour mon travail. Tu alimentes gratuitement des GAFAM pour t'enfermer dans la mécanique du plébiscite, mais penser sans arrêt au jugement du public est incompatible avec toute démarche sincère, d'autant que les réseaux sont programmés pour générer des conflits. J'ai mis du temps à m'en remettre. » Puis j'ai commencé à écrire 70 pages que j'ai jetées à la poubelle. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai toujours dessiné mes albums planche par planche, sans jamais revenir en arrière. De ce premier jet d'effouloir, sont apparus des personnages et j'ai conservé quelques traces. Voilà, ça c'est les propos mot pour mot de JP pour expliquer ce livre et qui donne d'ailleurs toute la profondeur et la densité du sujet finalement évoqué dans Stassi. D'ores et déjà, on n'est qu'au mois de septembre, mais pour moi, c'est une des BD les plus intenses, les plus fortes, les plus indispensables de l'année. C'est vraiment un album formidable, incontournable. Je le répète, Stassi, ça sort chez Futuropolis, 256 pages, 25 euros. Autre œuvre essentielle, et là, on retombe encore une fois dans l'autobiographie, ça s'appelle Maple Terrace, c'est signé Noah Van Shiver. Ça sort chez un petit éditeur que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Employé du Mois, 112 pages, 18 euros. Ça se passe dans le New Jersey, donc aux États-Unis, côte Est, dans les années 90. L'auteur a grandi au sein d'une famille mormone riche de 9 enfants et se raconte par entre petits arrangements de l'enfance, indifférence des parents et rapports complexes à la religion. Donc, elle se raconte, Noah, mais le ton est extrêmement léger, mais pas que. La charte graphique, elle est très colorée et un brin nostalgique, surtout influencé par la lecture de comics dont Noah était friande. C'est le fameux, en fait, le sujet, c'est le fameux passage à l'adolescence, source récurrente de nombreuses BD, faut-il le préciser. C'est traité ici avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Ça rend ce récit autobiographique juste, vraiment très juste et jubilatoire à lire. D'ailleurs, l'autrice, devrait dire, s'était déjà signalée remarquablement avec sa série Fante Bukowski, donc qui racontait en fait des histoires concernant les deux grands romanciers américains, que je recommande d'ailleurs ces bouquins. Et je voudrais saluer ici la grande qualité éditoriale de l'éditeur bruxellois, donc L'Employé du Mois. J'ai toujours été surpris par leurs bouquins, mais jamais déçu. Donc voilà, ça vient de sortir chez L'Employé du Mois, 112 pages, 18 euros. C'est signé Noah Van Shiver, ça s'appelle Maple Terrace, et c'est dans l'actualité de Horreur Sanglier. Nouvelle respiration musicale, et on se retrouve après ça. Talking about the new girl singing. Talking about a new girl singing. Vous êtes bien sur la bonne antenne du 895 Radio Duo dans le magazine mensuel de la bande dessinée aux Rieurs Sangliers. Peut-être nous écoutez-vous sur les www.radioduo.org. Et donc, on continue ce périple de la rentrée en bande dessinée. Dieu sait qu'il y aurait la possibilité de faire une émission de plusieurs heures. Donc, c'est simplement une sélection, c'est absolument pas exhaustif, bien sûr. Après avoir parlé de deux albums qui me paraissent absolument incontournables, le nouveau JP qui s'appelle Stacy et Maple Terrace de Noah Van Shiver, sorti chez L'Employé du Mois. Là, on va parler d'une BD qui me tient à cœur puisque j'ai la chance, l'avantage, l'honneur, le plaisir de connaître l'auteur, qui est un auteur catalan qui s'appelle Jaime Martín. Qu'on a déjà eu l'occasion de voir à Saint-Étienne à l'occasion de la fête du livre et autre part aussi. Je vais parler de sa nouvelle BD qui s'appelle Un sombre manteau qui sort chez Dupuis dans la collection Air Libre. 102 pages, 21,95 €. Alors là, on est vraiment dans la pure fiction, ce qui n'a pas été vraiment beaucoup le cas dans cette émission ce mois-ci. On est dans un petit village des Pyrénées, en plein 19e siècle. Là vit dans ce petit village Marat. C'est une vieille guérisseuse assez solitaire et mystérieuse, en proie souvent au mépris de ses congénères. Et Serena, une jeune fuyarde muette, va rentrer dans son paysage et bouleverser ce petit monde rude et reclus. Alors, en fait, cette BD, c'est entre études de mœurs et fiction fantastique. C'est une intrigue qui explore souvent les superstitions et les traditions paysannes et qui aborde le rôle des femmes dans la société espagnole au 19e siècle, dans ces temps reculés, ceci à travers deux figures qui échappent souvent à l'étau patriarcal et religieux. J'avoue, oui, effectivement, j'ai eu la chance de croiser pas mal de fois Jaime, et ce, depuis de nombreuses années. C'est un auteur, c'est un humaniste. Il m'a toujours touché, que ce soit dans des formidables BD que sont, par exemple, le diptyque « Jamais je n'aurai 20 ans et j'aurai toujours 20 ans », où là, il se racontait quand il était ado à l'époque de l'Espagne franquiste, ou des fictions comme « Ce que le vent apporte » ou « Toute la poussière du chemin ». Je trouve que ces qualités de raconteur d'histoire liées à un véritable don de dessinateur hors pair, ça fait de lui un auteur absolument incontournable. Et voilà, je trouve que Jaime, cette belle personne, se confond souvent avec ses récits, ce qui fait de lui un auteur absolument incontournable. Voilà pour cette BD qui s'appelle donc Un sombre manteau, signé Jaime Martín chez Dupuis. 102 pages, 21,95 €. Alors, là déjà, le bouquin dont je vais vous parler, c'est avant tout déjà tout de suite un objet. C'est un bouquin qui est absolument magnifique. C'est un bouquin cartonné, donc avec une couverture rigide, avec une couverture qui est emboutie. Donc en fait, on a l'impression que la couverture est en 3D. Ça s'appelle Les Julies, c'est signé Nilsson. Alors Nilsson, c'est un personnage lui aussi. Il s'est fait connaître au début des années 2000 avec une série d'un jeune apprenti. Ça parlait de l'histoire d'un jeune apprenti libraire. Ça s'appelait Jérôme. Ça s'appelle toujours Jérôme d'Alphagraphe. C'était sorti aux éditions Fleubeleu. Ça avait été en sélection au Festival d'Angoulême, etc. Il n'y a pas eu de prix derrière, mais c'est vraiment un auteur. Là aussi, comme JP, dont je parlais tout à l'heure, il est reconnaissable tout de suite. Son trait est absolument reconnaissable. Il travaille justement au trait. Il fait beaucoup de dessins striés. C'est un travail de fond qui est absolument incroyable, qui est hyper long. Et il a fait des bouquins, d'ailleurs, je pense à Les Cabanes, où en fait c'était une sorte de carnet de voyage où il dessinait simplement des cabanes de jardin. Il y avait un côté très poétique chez lui. D'ailleurs, le côté poète ressort toujours. Il me fait penser à un autre grand auteur que j'adore, que j'affectionne beaucoup, c'est Fred, celui qui dessinait Philémon. Ça doit parler peut-être aux plus anciens qui nous écoutent, qui était un auteur absolument extraordinaire. Et là, en fait, c'est une histoire fantastique. Le pitch, j'ai envie de le lire parce que se raconte tout seul, en fait. Elle chante sans ouvrir la bouche, des mélodies voluptueuses. Elle traverse les pages et les paysages. Elles ne se réduisent qu'à la grandeur de la nature. Elles font un passage éclair parmi nous. Pas encore là en juin, déjà partie en août. Ce sont les Julies. Des êtres minuscules, sortes de génies qui, aux premières lueurs du premier jour de juillet, sortent de leur coquille sous l'eau et rejoignent la surface du monde pour s'immiscer dans nos rêves. Déjà, quand on lit le pitch, on sent bien qu'effectivement, il y a plusieurs strates, plusieurs couches dans cette histoire. En fait, ça parle aussi de l'innocence de l'enfance. Et en fait, le livre raconte comment un père qui voit son fils grandir trop vite essaye de retarder ce moment. Et au fil de leur longue promenade dans les bois, où ils vont tous les deux partager leurs pensées communes et stimuler leur imagination et prendre le temps de rêver. C'est un bouquin absolument magnifique, avec une pagination qui est assez énorme, hein, puisque ça fait 312 pages. Ça coûte 24 €. Ça sort là aussi chez un petit éditeur, comme pour l'employé du mois, chez Misma, qui est un éditeur indépendant qui fait de très très beaux livres. Voilà, une petite dernière respiration musicale et on se retrouve après ça. Instrumental signé Luna, c'est un album qui est sorti il y a de nombreuses années, qui s'appelle Penthouse. Et on retrouve bien sûr sur le 895 de Radio Dio, le magazine mensuel de la bande dessinée Rieur Sanglier, avec deux dernières très belles nouveautés qu'on va passer assez rapidement, mais on fera aussi un petit récapitulatif de tout ce dont on a parlé depuis pratiquement 40 minutes dans ce magazine BD. Deux très belles nouveautés aussi. La première, qui est un bouquin qui me semble absolument indispensable. Pourtant, ça ne fait que 32 pages. Ça coûte 6,90 €. Là, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est le nouvel album de Joe Sacco, qui est un auteur américain, là aussi, comme JP, complètement essentiel. Ça s'appelle « Guerre à Gaza » et Dieu sait que Joe Sacco a souvent parlé de Gaza. Il y a un bouquin formidable qui s'appelle « Gaza 1956 ». Et là, en fait, son bouquin, c'est... comment expliquer ? C'est un cri. C'est un cri, c'est un livre qui est très très dur. Ça parle bien sûr de la violence de la guerre. D'habitude, JP, il prend le temps, il prend du recul pour parler des événements qu'il subit ou qu'il vit, ou les deux. Et là, il lui fallait, je crois, d'une manière très importante, expliquer ce qui s'était passé le 7 octobre. Et il le fait d'une manière absolument magnifique et incroyable. J'ai pas envie de rajouter grand chose sur ce bouquin. Rappelez qu'il il a eu des tas de prix, Joe Sacco. Il a eu pour Gaza 1956 la plus haute distinction pour un bouquin sur le journalisme. Il a eu le prix Eisner. Il avait aussi eu des prix pour Palestine. Donc c'est un auteur majeur là aussi. Encore une fois, un petit bouquin qui. Essentiel parce qu'en aussi peu de pages, il synthétise absolument tout ce qu'on a pu ressentir il y a quelques mois. Je voudrais, avant de faire une dernière respiration musicale, parler d'un dernier bouquin qui s'appelle Jinsan Roots, qui est signé Greg Thompson, là aussi auteur américain absolument incontournable, qui vient de sortir chez Casterman, un bouquin qui s'appelle donc Jinsan Roots. 447 pages, là c'est celui qui détient le pompon, le trophée du bouquin le plus important de ce mois de septembre. Il n'avait rien fait depuis 2016. C'est un auteur qu'on avait dont on avait beaucoup parlé, avec deux bouquins en particulier, c'est Blankets, récit autobiographique assez incroyable, et Habibi. Et là, il revient avec Jinsan Roots. Alors, c'est marrant parce que Roots, racine. Et en fait, là aussi, récit autobiographique où il se raconte quand il était gamin, pendant une dizaine d'années, entre l'âge de 8 et 18 ans. Tous les étés, il travaillait dans les champs qu'avaient ses parents pour qui faisaient pousser du ginseng. Et il explique vraiment toute la genèse de cette plante. Et au début, on se dit, ouais... Bon, ça va être un petit peu long, et en fait, non, parce qu'il mélange à la fois les souvenirs personnels et l'histoire même du ginseng, qui est une plante assez remarquable et qui donne effectivement envie d'en consommer. Voilà pour le bouquin de Greg Thompson, qui est là aussi assez formidable. Donc on va se faire une petite dernière respiration musicale et on fera un petit récapitulatif de ce dont on a parlé pendant cette quasi-heure de Au rieur sanglier sur le 8.95 de Radio Dio. I used to be dreaming when I was driving. I used to be leaving when I was arriving. I used to be calling when I was walking. I used to be thinking when I was talking. I used to be counting when I was sharing. Oreilleur Sanglier, le magazine mensuel de la bande dessinée sur le 895 de Radio Dion. On arrive quasiment à la fin de cette émission. On se retrouvera bien sûr le troisième mercredi d'octobre. On aura l'occasion de parler de la fête du livre qui entre-temps aura eu lieu, puisque la fête du livre a lieu le 11, 12 et 13 octobre de cette année, avec bon nombre de dessinateurs de bande dessinée. L'idée aussi dans cette émission, c'est d'inviter quelques auteurs. Je pense que justement, la prochaine émission sera peut-être, probablement, consacrée, faite en tout cas avec un dessinateur de BD. Je vous laisse la surprise. Et puis, je voudrais faire un petit rappel concernant notre maison d'édition locale en BD qui s'appelle les éditions Jargy, que j'affectionne beaucoup. Leur nouveauté, en fait, n'est pas vraiment une BD, c'est plutôt un guide illustré qui s'appelle Aurec-sur-Loire, oui, la ville d'Aurec, qui est juste à côté de Saint-Étienne. L'insolite guide illustré d'un village de France, c'est signé Christophe Girard. C'est quelqu'un qui s'est installé il y a quelques années, un auteur de BD qui s'est installé donc à Aurec-sur-Loire avec sa compagne qui est elle-même romancière, qui s'appelle Cléki Avi. Et ça sort chez Jargy, ça vaut 15€. C'est un magnifique bouquin sur l'histoire d'Aurec avec bon nombre d'illustrations, etc. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Jargy d'ailleurs qui fête, je le rappelle, ses 20 ans cette année dans le cadre de la fête du livre de Saint-Étienne. Il y aura une magnifique expo avec une partie des auteurs qui ont composé tous les livres. Il y en a plus d'une centaine à propos des éditions Jargy. Voilà, donc on parlera bien sûr de cette fête du livre. Puis faire un petit récap tout de suite de ce dont j'ai parlé pendant cette émission. Des bouquins qui me paraissent tous essentiels, peut-être un peu plus que d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé Putzi, donc de Thomas Negaroff et de Louison. Ça sort chez Futuro. La Belle de Mai, bouquin aussi assez important sur une des premières grèves de femmes en France. Signé Mathilde Ramadier et Elodie Durand. Ça sort chez Futuro aussi. Marée haute, les souvenirs de vacances en Espagne, signé Isaac Sanchez chez Dupuis. Appel en absence de Nora Dan chez Casterman à propos des attentats d'Oslo en 2011. Le JP qui s'appelle Stacy qui sort chez Futuro, qui est pour moi essentiel. Maple Terrace de Noah Van Siever chez L'Employé du Mois, bien sûr, magnifique bouquin. Un sombre manteau signé Raib et Martin chez Dupuis Collection Air Libre, essentiel aussi. Les Julie, le bouquin de Nilsson, déjà l'objet magnifique et le bouquin incroyable. Jensen Roots, signé Greg Thompson. Et puis, on va terminer cette émission avec, bien sûr, le générique, les Looney Tunes, que j'affectionne là aussi beaucoup. Et puis, on va se retrouver le mois prochain, au mois d'octobre, donc le troisième mercredi du mois. Merci de votre écoute. Restez calés sur le 895. Et moi, je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, lisez de la BD. Ciao, bye bye.